de toi. Il est né il y a 3 ans dans un pays d'ignorance. Il est né dans un grand champ au milieu d'une mare de sang. Il n'a plus ni père ni mère, fusillé par les rebelles au milieu de sentinelles. Sa maman était si belle. Pensez à ton petit ange.